Pendant longtemps, on a pensé que l'ADN, c'était la vie, que nous étions déterminés uniquement par notre génome, que tout était écrit dans ces brins noirs sur blanc en quatre lettres, et puis c'est tout. Du coup, les cancers étaient aussi pour beaucoup liés à notre génome. Comment pouvait-il en être autrement? Et puis, petit à petit, cette forteresse génétique a commencé à se fissurer, à être prise d'assaut. Par quoi? Eh bien par l'environnement. C'est le début de l'épigénétique et avec elle, l'espoir de pouvoir influer directement sur le développement épigénétique des cancers. Et s'il était possible de contrer l'influence de l'environnement sur les gènes et s'il était possible d'inventer des épimédicaments. Épimédicaments, il n'y a pas que l'ADN dans la vie, c'est le programme enroulé-déroulé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre non seulement à l'épigénétique, mais surtout à ce que cette discipline ouvre comme perspective de traitement, notamment en cancérologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Paola Arimondo. Bonjour. Ah, Paola Arimondo, on vous entend, vous êtes là ? Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, responsable de l'unité biologie et épigénétique chimique de l'Institut Pasteur. Nous sommes également en ligne avec Souila Mechkan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence au laboratoire épigénétique et destin cellulaire à l'Université de Paris. Mais on commence, comme chaque jour, par le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, une étude parue dans la revue Nature Chemical Biology, des chercheurs ont réussi à stocker des données dans de l'ADN de cellules vivantes. Oui, après tout, l'ADN est le premier support de stockage d'informations en biologie. Des chercheurs américains ont converti des données digitales en données biologiques grâce à la technologie des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Alors jusqu'à présent, les différentes tentatives se sont faites avec de l'ADN de synthèse, in vitro. Ces chercheurs sont allés un peu plus loin en stockant des données numériques directement in vivo, dans les chromosomes d'une bactérie, la bactérie E. coli. À l'aide des quatre bases d'ADN, adénine, cytosine, thymine et guanine, ils ont attribué différents arrangements de ces séquences d'ADN à différentes lettres de l'alphabet. Ils ont ainsi pu coder à l'intérieur des cellules d'E. coli un message texte de 12 octets, le fameux Hello World des programmateurs informatiques. Par la suite, après avoir séquencé le génome de la bactérie, les chercheurs ont réussi à décoder ce message. Alors l'avantage, c'est que ces données placées dans de l'ADN sont protégées par la cellule et par ses mécanismes de protection. On est encore loin d'avoir trouvé un système de stockage à long terme qui remplacerait nos disques durs, mais c'est un petit pas vers cette voie. Et voilà, et on va parler d'ADN aujourd'hui notamment, mais plutôt d'épigénétique. Et puis on vous met comme chaque jour les liens vers ces études sur notre fil Twitter @laméthodeFC et sur notre site franceculture.fr. On passe au bref. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous n'atteindrons pas l'immunité collective contre le SARS-CoV-2 en 2021, et même avec les vaccins. Ouais, c'est ce qu'a annoncé la responsable scientifique de l'OMS. Même si certaines nations parviennent à atteindre l'immunité collective, cela ne protégera pas les gens à travers le monde, je cite. Il y a plusieurs obstacles à surmonter. D'une part, augmenter la production des doses, cela prend du temps, surtout quand il est question de milliards de doses. D'autre part, le déploiement de la vaccination partout dans le monde reste un défi. Les pays riches se sont rués sur les stocks disponibles. De nombreux pays se retrouvent sans vaccin. Et selon un rapport d'Amnesty International, dans les pays en développement, 9 personnes sur 10 risquent de manquer de vaccin. L'OMS préconise donc de ne pas baisser la garde jusqu'à l'hiver prochain. Bonne année 2021 à tous. Allez, on va continuer. Merci beaucoup Natacha, ça donne la pêche, la super pêche. Allez, on continue pour la première fois sur le Covid-19. Deux gorilles viennent d'être testés positifs. Oui, puisque nous sommes génétiquement très proches d'eux, on se doutait que certains primates pouvaient contracter le SARS-CoV-2. Hier, le zoo de San Diego en Californie a annoncé avoir testé 2 gorilles et un troisième qui montre des symptômes. Ces animaux ont commencé à tousser la semaine dernière, ils ont été placés en quarantaine. Pourtant fermés au public, la contamination viendrait peut-être d'un employé du zoo asymptomatique. Et pour finir, une étude parue dans la revue Royal Society Open Science et une personne qui ment imiterait le langage corporel de son interlocuteur. Oui, des chercheurs néerlandais ont mené une expérience dans laquelle 50 personnes étaient invitées à résoudre un casse-tête en l'espace de 5 minutes, avec la possibilité de tricher pour le résoudre rapidement. Les participants étaient ensuite invités à discuter entre eux de la résolution de ce casse-tête. Un accéléromètre sans fil a enregistré les mouvements de la tête, de la poitrine et du poignet des participants. Alors c'est imperceptible à l'œil nu, mais lorsque quelqu'un dit la vérité, les mouvements de son corps ne ressemblent pas à celui de son interlocuteur, et à l'inverse, les menteurs imite inconsciemment les mouvements les plus subtils de son auditeur. Cette découverte pourrait conduire à de nouveaux tests de détection de mensonges. Je ne vous vois pas, Natacha, mais je sais que vous nous dites la vérité et que vous nous la direz demain encore pour le prochain Journal des Sciences. Longtemps, on a cru que le phénotype, l'expression des caractères, était le seul résultat de la stricte transcription du génotype, soit l'accumulation de nos gènes. Tout du moins, c'est encore ce qu'on apprenait en spébio, en terminale, l'année de mon bac, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Or, outre le problème de la différenciation cellulaire, comment expliquer qu'une cellule musculaire et un neurone aient strictement le même code ADN, mais pour des résultats radicalement et des expressions très différentes, les preuves que l'ADN seul ne pouvait pas tout expliquer ont commencé à s'accumuler, comme par exemple les jumeaux, des jumeaux élevés dans des conditions différentes et qui présentent à l'âge adulte des phénotypes beaucoup plus éloignés que s'ils avaient été élevés dans le même environnement. Ainsi, depuis les années 80, on sait que le cancer est le résultat de mutations ou d'altérations génétiques qui provoquent une prolifération anormale des cellules dans un tissu sain, mais depuis une dizaine d'années, on sait que cette prolifération anormale est le fruit de modifications non pas forcément du génome, mais parfois et même souvent de l'épigénome, de la conformation de l'ADN. Retour donc en arrière en 1970 sur les liens entre cancer et ADN mitochondrial. C'est notre archive du jour. C'est un ensemble de travaux qui est très indirectement relié au cancer au départ. C'est-à-dire que dans toute recherche, on sait où on commence, mais on ne sait pas où on arrive. Et au départ, les recherches entreprises étaient surtout d'ordre physico-chimique et théorique. Et elles ont abouti à des problèmes intéressants de cancer qui ont d'ailleurs été faits pas spécialement par moi, mais par d'autres chercheurs, principalement aux États-Unis et en France également. Et ils ont montré que en cancérologie, il y avait non seulement il y avait des ADN qui étaient très importants, c'était ceux qui se trouvaient dans les mitochondries. Et pour la première fois, on a trouvé une différence biochimique différente dans les cellules de leucémique humain, où on a montré que ces ADN des mitochondries avaient une morphologie différente. Et qu'en regardant la morphologie de ces ADN, on pouvait relier avec la malignité de la maladie. Voilà, nous sommes en 1970 et des premiers liens entre ADN mitochondrial et cancer. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Paola Arimondo ? Oui, si vous voulez. En fait, ça montre vraiment que la molécule d'ADN qui code donc l'information génétique peut vraiment être maniée et changée, très dynamique en fonction de comment on lit l'information. Et c'est un peu la base de l'épigénétique qui a effectivement donné l'épigénétique. On a petit à petit après découvert les modifications chimiques qui sont sur l'ADN ou sur les protéines qui enroulent l'ADN, qui s'appellent les histones, pour la compacter. Et ça a amené effectivement à l'épigénétique et à cette dynamique et plasticité qu'on peut lire l'information génétique de façon très différente en fonction des circonstances, etc. Suila Mechkan, votre réaction à cette archive et à ces premiers liens, parce que ce que dit cette archive et ce qui va se passer tout au long des années 80 et 90, c'est qu'on va tourner longtemps autour de la question du lien qu'il peut y avoir entre diverses formes de cancer et la génétique. On a bien l'intuition que tout n'est pas directement écrit dans le code ADN, qu'il n'y a pas de déterminisme génétique absolue pour l'écrasante majorité des cancers. Oui, disons qu'à l'époque, la phrase par laquelle il commence, elle est intéressante, parce que finalement, c'est tellement ça la recherche, où on commence à un sujet, puis on ne sait jamais où ça va mener. Et là, on est dans les années 70, c'est les années finalement, on est en plein quand même dans la génétique pour essayer d'expliquer l'origine des cancers. Et puis, dans les années 70, fin des années 70, on commence à identifier finalement la première modification épigénétique, donc la méthylation de l'ADN, et on a de cesse depuis les années 70 d'étudier cette modification. Donc on a compris énormément de choses, et cette modification, elle est profondément altérée dans les cellules cancéreuses. C'est d'ailleurs une des signatures des cellules cancéreuses. C'est une modification de la méthylation de l'ADN. On va revenir un par un sur tous ces concepts. On parle d'histone, de méthylation de l'ADN, de chromatine. On va tout vous réexpliquer bien point par point. Un mot tout de même aujourd'hui sur ce que l'on sait et sur l'épigénétique qui a pris beaucoup d'ampleur, on va dire, depuis le début du 21e siècle et principalement ces 10 dernières années. Aujourd'hui, j'ai lu que 50% des cancers humains seraient associés à des mutations des enzymes impliquées dans l'épigénome, à savoir précisément l'organisation de la chromatine. Un cancer sur deux, ça me paraît énorme. C'est les chiffres dont vous disposez également, Paola Raimondo? En fait, c'est plus que ça, parce qu'en fait, dans tous les cancers, on peut pratiquement trouver des dérégulations épigénétiques. Parce que ce n'est pas uniquement les protéines épigénétiques, mais comme disait ma collègue, la méthylation de l'ADN est vraiment une signature de cancer. Mmh. On peut distinguer des cancers en fonction du pattern de méthylation. Donc, de leucémie, on a des gènes qui sont méthylés sur l'ADN, qui sont différents, par exemple, des cancers du côlon. Donc, effectivement, la méthylation de l'ADN est utilisée en diagnostic. Donc, en fait, non, même pratiquement, je pense qu'on peut même pratiquement dire 100%. Que tous les cancers ont des régulations épigénétiques. Ce n'est pas uniquement des mutations génétiques des enzymes, comme vous venez de dire. Ce n'est pas uniquement les protéines épigénétiques qui sont mutées, mais c'est vraiment cet épigénome dont on parle, ces modifications chimiques sur l'ADN et sur les histones qui peuvent être altérées sans que les protéines soient altérées. On va rentrer dans le détail un peu, parce que là, c'est vrai qu'on commence à manipuler des concepts qui sont un peu compliqués, qu'on va vous expliquer vraiment dans quelques minutes. Juste une réaction également sous la Metchkan avant de rentrer dans le détail sur finalement l'épigénétique qui expliquerait qui serait pas à l'origine d'un cancer sur deux, mais qui serait en fait impliqué, ou des mécaniques épigénétiques, des dérégulations de mécaniques épigénétiques impliquées finalement dans 100% des cancers. En fait, si on étudie l'épigénome des cellules cancéreuses, il est profondément différent de celles de cellules normales. Mais en fait, il y a eu lorsque l'épigénétique a été proposée comme un des mécanismes par lesquelles finalement les cellules cancéreuses pouvaient devenir transformées, plus prolifératives, plus invasives. Il y a eu quand même une résistance, parce qu'on était vraiment attaché à ce dogme de mutations génétiques qui aboutissent à elles seules, qui sont suffisantes, nécessaires et suffisantes pour induire la tumeur. En fait, ça a été vraiment une grosse surprise d'identifier finalement dans 50% des tumeurs des mutations de facteurs épigénétiques. Donc ça se passait en fait avec une prévalence telle qu'on ne pouvait plus nier l'impact de l'épigénétique des modifications épigénétiques sur la genèse du cancer. Donc c'était vraiment une preuve indirecte que l'altération des facteurs épigénétiques contribuait de manière significative dans la progression tumorale et la formation d'un cancer. Voilà, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui quand on parle encore une fois d'épigénique, et c'est ce qu'on va vous expliquer dans quelques secondes. On parle de l'impact, de l'influence de l'environnement sur notre code génétique et comment, eh bien, l'environnement, certains facteurs qui peuvent être le stress, certaines molécules peuvent, eh bien, modifier, conduire la lecture de notre génome à être modifié. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc d'épigénétique et d'épimédicaments en compagnie de Paola Raimondo et de Suila Metchkan. Alors peut-être qu'on peut résumer, définir exactement ce qu'on entend par épigénétique, qui est finalement une découverte assez récente, mais qui est suspectée depuis très longtemps. Depuis qu'on a découvert l'ADN, on imagine bien que le phénotype n'est pas exactement la traduction littérale du génotype. Paola Raimondo. Oui, en fait, les premiers concepts viennent de Cornel Waddington, donc un chercheur anglais à Cambridge, en 1942, qui a vraiment introduit le concept d'épigénétique. Justement, concept que, comme vous dites, que le phénotype n'est pas si... il y a d'autres impacts, l'impact dans l'environnement, qui peut déterminer un phénotype. Après, ça a évolué. En 1975, on a commencé à voir la méthylation de l'ADN. Et petit à petit, il a vraiment pris dans l'ampleur. En fait, au début des années 2000, qu'on a commencé à séquencer les premiers génomes humains, et on s'est aperçu que ça n'expliquait pas tout. Et comme vous dites, en fait, comment une cellule neuronale et une cellule du foie, elles sont différentes, mais ils ont les mêmes ADN, les mêmes manuels d'instruction. En fait, on lit que 2% de cette information, le manuel d'instruction, et l'épigénétique participe à dire quel chapitre lire à la cellule neuronale et à la cellule du foie, par exemple. Il lit des chapitres différents. Des chapitres différents, c'est ce qui explique que ben voilà, on part de ces fameux de l'embryogenèse, hein, d'un pool de cellules qui sont strictement similaires et qui petit à petit vont se différencier. Alors comment ça marche exactement sous la Mechkan l'épigénétique? On a entendu beaucoup de choses, on parle de méthylation de l'ADN, on parle de chromatine, d'histone. Expliquez-nous un peu comment ça marche au sein des cellules, cette mécanique. On va partir de l'embryogenèse pour prendre un exemple assez concret. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pendant l'évolution de l'embryon, et bien certaines cellules qui ont le même patrimoine génétique vont finir par se différencier en os, en foie, en muscle, en œil, en cerveau, etc., etc. Donc ça, c'était effectivement les observations qu'avait fait Conrad Waddington. Donc c'était un généticien, mais également un embryologiste. Et donc il s'est aperçu que donc suite à la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, on a la cellule œuf. Qui va se former et qui va subir un certain nombre de multiplications pour donner des cellules génétiquement strictement identiques, mais néanmoins avec des morphologies et des fonctions totalement différentes, donc des cellules du cheveu, des cellules de la rétine et du foie qui ont des structures et des fonctions différentes. Et ça voulait dire qu'il y avait quelque chose, une dimension qui était au-delà de l'alphabet de l'ADN et qui permettait de moduler l'expression des gènes pour donner une identité, pour conférer une identité cellulaire et un destin à la cellule. Maintenant, d'un point de vue plus moléculaire, donc si on fait un parallèle avec la génétique, donc au sein de chacune de nos cellules, on retrouve un noyau qui contient notre ADN, qui est donc notre patrimoine génétique. Cet ADN, en fait, il n'existe pas sous forme nue au sein des cellules. Il va en fait s'enrouler autour de protéines qu'on appelle des histones, et ça va en fait former des niveaux de compaction. Qui vont conférer ce qu'on appelle, enfin qui vont donner la chromatine. Donc la chromatine, c'est l'association entre l'ADN et les protéines. Et cette chromatine, elle existe sous plusieurs états, soit un état condensé, donc inaccessible à toute la machinerie de transcription, par exemple, ou un état qui va être décondensé et qui va être favorable pour l'expression des gènes. Et selon l'état donc de la chromatine, on va avoir un programme transcriptionnel différent qui va définir le destin d'une cellule et son identité. Donc si on devait prendre des images, on pourrait dire, si on compare l'ADN ou les chromosomes à des livres, on pourrait dire que finalement il y a des pages qui sont collées ensemble, qui sont chiffonnées en boules, et donc du coup le matériel de transcription n'a pas accès à ces pages parce que tout est vraiment très compacté, et puis d'un seul coup ces pages, eh bien il y a des sortes de petites clés qui permettent de les déverrouiller, de les ouvrir, de déployer ces chapitres, et donc d'y avoir accès, de pouvoir les lire et de pouvoir les transcrire. Est-ce que vous adhérez à cette métaphore un peu épaisse, Paola Raimondo? Tout à fait, c'est comme de la colle. C'est exactement ça. C'est un peu comme de la colle. Et l'avantage que c'est que c'est en fait réversible. Ces instructions sont toujours là. Et donc, on peut le remettre. On peut vraiment restaurer cette information quand, par exemple, on lit les mauvaises pages ou des pages qu'on devrait lire sont collées. Et ça, c'est vraiment important. En fait, c'est la caractéristique de ces modifications épigénétiques. Autant la séquence de l'ADN, elle est vraiment, ça donne l'information à l'inscrite et c'est nos mots clairs on change avec les mutations, mais normalement, ne sont pas changés majoritairement. Mais en fait, l'avantage, c'est cette dynamique plasticité qui donne l'épigénétique. Ce sont des modifications chimiques réversibles. Et donc, comme vous disiez, l'impact dans l'environnement, on peut changer l'information. On va lire un chapitre par rapport à l'autre. Alors, c'est ça qui est intéressant, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on parle d'embryogenèse. C'est-à-dire, alors, on va rester un instant d'abord, si vous le voulez bien, sur l'embryogenèse. Sous la Mechkan, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui fait dans l'embryogenèse, à quel moment, pourquoi est-ce que, eh bien, telle cellule va commencer à se dire, ah ben non, on lit ces chapitres-là et pas les autres, je vais ouvrir ces chapitres-là à la lecture et fermer ceux-là. Quelles sont les mécaniques qui vont déclencher finalement la spéciation et la spécification des cellules? Il y a des choses qu'on comprend, mais il y a des choses qu'on comprend moins. Une des choses qui a été clairement décrite, c'est le fait que lorsqu'on a la formation de la cellule œuf, on va avoir une déprogrammation de l'épigène, c'est-à-dire qu'on va avoir des vagues de déméthylation de l'ensemble, de la quasi-totalité du génome, comme si on faisait un reset. On va peut-être, c'est le moment de définir ce qu'on entend par méthylation et déméthylation. Alors, la méthylation de l'ADN, c'est l'ajout en fait d'un groupement chimique qui est composé d'un carbone et de trois hydrogènes, donc une petite molécule qui vient se fixer, CH3 exactement, qui vient se fixer sur une des bases de l'ADN, en l'occurrence la cytidine. Et ça, en fait, ça va moduler la structure de la chromatine localement. Et donc la déméthylation, c'est la réaction inverse. Donc la méthylation, elle est assurée par des enzymes qu'on appelle des méthyltransférases, des ADN méthyltransférases. Et la réaction inverse, c'est une déméthylation, c'est-à-dire qu'une enzyme va venir retirer ce groupement méthyle. Mmh. Et donc au cours des premières étapes, très rapidement, les premières étapes du développement embryonnaire, on va avoir une déméthylation globale, comme si on avait besoin de remettre à zéro, finalement, l'épigénome. Et ensuite, ça va être suivi de vagues de reméthylation qui vont venir donner un profil épigénomique très particulier. Et ça, ensuite, ça va être suivi de modifications épigénétiques autres, donc qui vont toucher cette fois-ci les histones, et qui vont définir, enfin en tout cas qui vont concourir à donner un programme transcriptionnel tout à fait spécifique, et donc une différenciation des cellules. Si je résume, alors corrigez-moi parce qu'il est possible que je me trompe, parce que je m'en mêle souvent les pinceaux là-dessus. Si je résume à grands traits, la méthylation c'est le compactage, et l'acétylation, la déméthylation c'est le décompactage, c'est ça? Alors, la méthylation, c'est comme coller les pages, donc masquer l'information, compacter, si vous voulez. La déacétylation, c'est exactement ça, des histones, c'est la acétylation des histones, c'est ouvrir. Mais par contre, la déméthylation des histones, c'est plus compliqué. D'accord. Et en fonction de où elle a lieu, c'est différent. C'est-à-dire donc, En fait, il y a différents types de déméthylations des histones, par exemple, et en fonction, les histones sont des protéines chargées positivement, parce que l'ADN est chargé négativement. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on compacte. C'est parce que la charge négative de l'ADN et les charges positives des histones, ils sont attractifs, et quand les charges positives des histones sont là, ils sont bien collés, l'ADN, aux histones. Mm-hmm. Donc, on acétyle, en fait, on masque les charges positives de ces queues des histones qui sont chargées positivement, et en masquant les charges positives, on relâche, et on peut lire l'information de l'ADN. Mais en fait, la méthylation, c'est plus compliqué, parce que la méthylation va recruter d'autres protéines qui vont lire la présence de ces méthylations, et des fois, ces queues, quand ils sont méthylés, on appelle une résidu acide aminé qui s'appelle la lysine, par exemple. Mmh. Une lysine particulière va être méthylée en position 4. Elle va ouvrir la chromatine, et une méthylation sous la position de la lysine 27, elle va fermer. Alors, là pour le coup, ça devient un petit peu technique. Je vous rappelle que on va vous mettre des images justement qui vous permettent d'accompagner un peu cette émission si vous voulez vraiment comprendre tous ces mécaniques et les voir, parce que je dois dire que c'est vrai que les schémas de méthylation et déméthylation sont assez parlants. On va vous en mettre sur notre fil Twitter @laméthodefc. Peut-être un mot pour compléter Shkoulamechkan là-dessus, sur qu'on comprenne bien ce qu'est la méthylation, la déméthylation dans les processus épigénétiques, parce qu'on va en parler, ça va être important pour la suite quand on va aborder les épimédicaments. Alors, pour la méthylation de l'ADN, c'est relativement simple, je dirais, puisque c'est l'ajout d'un groupement CH3 sur la cytosine de l'ADN. Pour ce qui est de la méthylation des histones... La cytosine, je le précise, pardon, excusez-moi, je vous interromps, la cytosine, c'est l'un des nucléotides de l'ADN. Hein, sur les ATGC, c'est le C de l'ADN, voilà, je précise juste exactement. Ça. Exactement. Tout à fait. Et comme disait ma consœur Paola, la méthylation des histones, c'est beaucoup plus complexe, parce que on peut avoir une monométhylation, diméthylation ou triméthylation, donc au choix. Et ça va vraiment conditionner l'effet sur la chromatine, ça c'est la première chose. Et le deuxième niveau de complexité, c'est qu'on va avoir la méthylation sur plusieurs aminoacides, donc sur plusieurs résidus de la protéine histone. Et ça, en fonction du résidu qui va être méthylé, eh bien on va avoir des effets différents sur la chromatine. Donc ça, c'est vraiment une simplification, parce qu'en réalité, c'est encore beaucoup plus complexe que ça, parce que, en fait, les modifications, donc les méthylations, acétylations, etc., ce sont des modifications chimiques qui, en fait, sont pas indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles communiquent entre elles, et ça va venir rajouter encore un niveau de lecture très fin, et qui permet justement une régulation très fine de la chromatine. Alors, on a parlé de l'embryogenèse. Que sait-on aujourd'hui des dysfonctionnements de ce système de compactage et décompactage de l'ADN? Parce que finalement, une fois que les cellules se sont spécialisées, une fois que le corps est formé, eh bien, elles restent dans leur rôle. On va pas rentrer dans le détail de ça. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné, finalement? Comment l'environnement peut finir par enrayer le processus processus de transcription des protéines de l'ADN, ou en tout cas venir changer un peu le mécanique ou les mécaniques épigénétiques des différentes cellules sous la Mechkan. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est on a identifié des mutations génétiques qui vont affecter des facteurs épigénétiques et qui donc vont altérer l'épigénome. Ça, c'est une première chose, et ça, c'est documenté dans un certain nombre de pathologies, dont le cancer. Ensuite, d'un point de vue physiologique, donc dans un contexte qui n'est pas un contexte pathologique, ce qui se passe, c'est que l'environnement, au travers, par exemple, de la nutrition. On sait que la nutrition, ça va apporter des cofacteurs, donc des éléments, en fait, des molécules qui vont être nécessaires à l'activité de ces facteurs de ces facteurs épigénétiques. Il ne faut pas oublier qu'une grande majorité des facteurs épigénétiques, ce sont des enzymes et qu'elles ont besoin de cofacteurs pour pouvoir être actives. Et ces cofacteurs-là, ils viennent également au travers de la nutrition. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte d'un point de vue environnemental. On peut parler des stress, par exemple, les stress hypoxiques, les stress donc d'hypoxie ou d'inflammation peuvent également influer sur l'activité de ces enzymes, et tout ce qui va impacter l'activité des enzymes responsables du dépôt de ces modifications épigénétiques vont potentiellement altérer l'épigénome et donc le programme transcriptionnel associé. Paola Raimondo, sur justement ces modifications liées à l'environnement, qui soient nutritionnelles, donc par l'ingestion au sens large du terme, parce qu'on parle de la nutrition, ça peut être par la respiration, enfin par toute forme d'introduction d'éléments extérieurs à l'intérieur de l'organisme, mais également par des raisons endogènes que sont principalement le stress notamment. Oui, peut-être je pourrais citer un exemple, un papier qui est sorti l'année dernière, deux jumeaux monozygotes, donc en fait, ils sont nés de la même cellule, donc on a même ADN, un est resté sur Terre, l'autre est parti dans l'espace. Et effectivement, quand il est revenu, le jumeau qui était parti dans l'espace, son corps avait vieilli plus, et c'était amusant parce que l'épigénome était bien modifié. Donc en fait, ça montrait bien l'impact dans l'environnement. Donc, nourriture, mais pas seulement. Dans un environnement assez extrême. Figurez-vous que l'un des deux jumeaux, nous l'avons reçu dans cette émission. Ah, oui, absolument. Super. On va vous mettre d'ailleurs le lien. Nous l'avions reçu à ce micro pendant une heure où il nous avait raconté un peu son expérience d'astronaute. On va vous mettre le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Peut-être un mot, en tout cas, et ce qui est intéressant, puisque c'est notre sujet du jour, et on va entendre une doctorante dans quelques instants, dont c'est le sujet d'étude. Pourquoi particulièrement les cancers sont-ils liés à ces modifications épigénétiques? Comment a-t-on compris qu'il y avait un lien direct entre dysfonction de l'épigénome et processus tumoraux sous la Mechkan? Alors déjà par l'analyse des épigénomes, donc il y a des consortiums internationaux et des grands projets collaboratifs, donc de très grande envergure qui ont vu le jour dans les années 2000, enfin à partir des années 2000, et qui ont permis l'analyse à grande échelle du génome, mais également des épigénomes. Et c'est là qu'on a pu vraiment se rendre compte de l'ampleur de la reprogrammation épigénomique au sein des cellules cancéreuses. Donc ça, c'était une observation qui était corrélative, mais qui n'était pas forcément causale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a des modèles qui ont été construits, notamment des modèles animaux, où on a en fait altéré l'expression de facteurs épigénétiques, et on s'est intéressé à étudier l'impact sur le cancer. Et là, dans un certain nombre de cas, on s'est aperçu qu'il y avait un lien direct entre ces facteurs épigénétiques et la genèse d'un cancer ou la progression d'un cancer. Mais justement, nous allons entendre notre doctorante du jour, puisque vous le savez, tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous recevons Marina Nocens, bonjour. Bonjour. Vous êtes en quatrième année de thèse au CEA, à l'Institut de biologie intégrative de la cellule rattachée à l'Université Paris-Saclay. Vous travaillez sur l'impact des dérégulations de l'épigénome sur les maladies chez l'homme. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci. Les cancers sont la première cause de mortalité en France. Les cancers ont tous pour origine une altération profonde de l'identité cellulaire qui transforme une cellule normale en une cellule capable de proliférer sans limite. C'est le contrôle de l'expression des gènes qui permet de définir et de maintenir l'identité de chaque cellule. Il s'agit d'un phénomène complexe car il y a plus de 200 types de cellules distinctes dans le corps humain. Pour assurer ce contrôle, les cellules disposent d'une panoplie d'outils très impressionnante. 23 000 gènes qui sont répartis sur notre génome et plus d'un millier de facteurs de transcription pour les réguler. Mais qu'est-ce que sont les gènes et les facteurs de transcription ? Notre génome, qui est composé d'ADN, peut être comparé à une bibliothèque qui comporterait un immense répertoire d'outils à la place des livres. Chaque gène, qui est une petite portion d'ADN, permet à la cellule de fabriquer un outil qui va réaliser une fonction dans la cellule. À proximité de chaque gène, l'ADN comporte aussi des régions régulatrices qui vont permettre à chaque type de cellule d'utiliser à bon escient les différents gènes. Ces régions régulatrices de l'ADN vont être reconnues et liées par des facteurs de transcription pour déterminer où et quand exprimer chaque gène. Ce système est sophistiqué car les facteurs de transcription sont eux-mêmes des outils qui sont produits par des gènes. Donc, notre génome comporte non seulement des outils nécessaires pour fabriquer les éléments de chaque cellule, mais aussi le savoir-faire pour utiliser correctement ces outils. Chaque type de cellule du corps humain va exprimer une combinaison de gènes spécifiques parmi les 23 000 qui va permettre de définir son identité et sa fonction. Par exemple, les neurones de notre cerveau n'utilisent pas les mêmes gènes que les cellules des muscles. Au sein des cellules, l'ADN est naturellement associé avec des protéines pour former une structure qu'on appelle la chromatine. La chromatine est elle-même composée de nucléosomes. Un nucléosome est l'association d'un segment d'ADN enroulé autour d'un petit cylindre formé de protéines appelé histone. Ces nucléosomes s'enchaînent les uns après les autres, formant ainsi une structure ressemblant à un collier de perles. Lorsqu'il est enroulé sous forme de nucléosome, l'ADN est inaccessible aux facteurs de transcription. Pour que les facteurs de transcription puissent se lier à l'ADN, dans le but de réguler l'expression des gènes, il faut dissocier transitoirement le nucléosome. Donc pour cela, il faut l'aide de machines moléculaires appelées les remodeleurs de la chromatine. Actuellement, nous connaissons assez mal la façon dont les remodeleurs de la chromatine fonctionnent. L'un des objectifs de ma thèse est de comprendre comment les remodeleurs de la chromatine agissent sur les nucléosomes, les perles du collier, et comment ils permettent aux facteurs de transcription d'accéder à l'ADN. Pour atteindre cet objectif, j'utilise un protocole expérimental qui me permet de retirer un remodeleur des cellules pour examiner les conséquences sur la chromatine. Je cherche à savoir si l'absence du remodeleur entraîne des anomalies d'organisation des nucléosomes, d'ouverture de la chromatine ou de liaison des facteurs de transcription. Récemment, le séquençage massif de génomes de cellules cancéreuses a révélé que les remodeleurs de la chromatine sont des suppresseurs de tumeurs. Leur activité est donc essentielle au contrôle de l'expression des gènes et de l'identité cellulaire. Mon travail de thèse permet de comprendre comment les suppresseurs de tumeurs contrôlent l'identité cellulaire en régulant l'organisation de la chromatine et la liaison des facteurs de transcription. Merci beaucoup Marina Nossen pour la présentation de vos travaux. Une réaction rapide de nos invités Paola Rimondo sur bien ces mécaniques entre épigénome et dysfonctionnement tumoraux des cellules. Oui, ça montre bien la complexité des systèmes, mais aussi quelque part, effectivement, comme elle parlait donc l'étudiante de gènes suppresseurs de tumeurs. Ils étaient identifiés dans les années 80. Ce sont un peu les freins de la cellule, comme a dit l'étudiante. Donc les cellules cancéreuses perdent leur contrôle et c'est comme une voiture qui a perdu les freins et qui elle roule sans contrôle. Et c'est les gènes suppresseurs de tumeurs qui sont les freins. Mais qu'en fait, l'avantage dans les cas de cancer liés à la méthylation de l'ADN, c'est qu'ils sont juste éteints par méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est l'interrupteur. Et donc il y a de la méthylation et ces freins sont là, mais ils sont mis sous silence. Donc en fait, les buts, par exemple, des thérapies épigénétiques qu'on va parler, c'est d'essayer de rallumer ces freins, de les remettre en marche pour que la cellule cancéreuse retrouve son contrôle. Sous la medscan. Oui, donc les complexes de remodelage de la chromatine, c'est des complexes qui sont très importants justement dans la structure d'ouverture ou de fermeture de la chromatine. Et il y a des cancers, notamment, je pense aux tumeurs rhabdoïdes malignes, qui sont des tumeurs en partie héréditaires et qui sont dues à des mutations justement d'un remodeleur de la chromatine qui s'appelle SNP5 INI1 et qui est impliqué dans un gros complexe de remodelage de la chromatine. Donc ça montre que ça montre finalement l'impact de l'épigénétique, enfin de la modification épigénétique sur la genèse d'un cancer. Mmh. Quelque part, c'est une preuve de l'importance des mécanismes épigénétiques dans le contrôle du devenir des cellules et dans un contexte physiopathologique tel que le cancer. Et on va voir dans la deuxième partie de cette émission bien qu'il y a des solutions thérapeutiques ou des applications thérapeutiques de cette meilleure compréhension de l'influence épigénétique sur l'apparition d'un certain nombre de tumeurs. On va donc parler de ce que sont les épimédicaments et de la recherche de pointe, la recherche fondamentale qui peut avoir lieu en ce moment sur ces futurs épimédicaments. Avec fracas, tu renonces. La peur au ventre qui règne. Sans aucun bruit, sans aucun bruit, tu dénonces la loi du plus fort. Oui, mais moi, je suis, c'est vrai, je suis les indignés. Je suis, c'est vrai, le sang de ta lignée. Toi qui cours, qui danses avec les loups, toi qui ne te tiens pas debout. Tu es la force et le naufrage, la fièvre et le rivage. Ce royaume est le tien, ce royaume est le tien, ce royaume est le tien, ce royaume est le tien. Jeter les encres ou faire marquer sur la peau. Les chiffres dansent cruels, fiers hors la loi, les chiens salissent leur nom, le silence est d'or. Oui, mais toi, tu suis, tu perds, tu joues les indignés. Tu fuis le père, le sang de ta lignée. Toi qui cours, qui danse avec les loups, toi qui ne te tiens pas debout. Tu es la force et le naufrage, la fièvre et le rivage. Ce royaume est le tien. Toi qui cours, qui danse avec les loups, toi qui ne te tiens pas debout. Tu es la force et le naufrage, la fièvre et le rivage. Ce royaume est le tien. Ce royaume est le tien. Ce royaume est le tien. La Voix des Loups de Francoeur en soutien comme toujours à la scène musicale indépendante française sur France Culture à 16h38. Nous parlons d'épigénétique, d'épimédicaments tout au long de cette heure en compagnie de Paola Arimondo qui est directrice de recherche CNRS, responsable de l'unité biologie et épigénétique chimique de l'Institut Pasteur, et Swila Mechkan qui est maîtresse de conférence au laboratoire épigénétique et destin cellulaire à l'Université de Paris. Et puisque l'ambition donc de cette émission est de parler d'épimédicaments, on va commencer par le concret, le pratique, direct l'Institut Curie qui met en place des thérapies épigénétiques pour traiter en l'occurrence le cancer du sein. C'est le reportage du jour. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas. Oui, je suis allée voir Céline Vallot qui développe une stratégie un peu différente, car dans les traitements usuels contre le cancer du sein, on voit une forme de résistance apparaître après une première phase de régression de la tumeur. Céline Vallot cherche alors à comprendre et à lutter contre ces mécanismes de résistance en exploitant des mécanismes épigénétiques en suivant la dynamique des altérations de la chromatine dans les cellules tumorales. Expérimentalement, elle se sert de procédés microfluidiques pour étudier leurs propriétés de manière individuelle. Ainsi, elle peut étudier ce qu'on appelle l'hétérogénéité épigénétique des cellules tumorales, c'est-à-dire comment leur ADN varie et conditionne l'expression des gènes, le tout dans le but de comprendre l'émergence de cellules résistantes aux chimiothérapies. Donc nous, au laboratoire, on s'intéresse à un type de marque bien particulier, ce sont les modifications de la chromatine et la méthylation des queues des histones. Donc les histones sont les protéines qui vont s'assembler pour former la chromatine qui va entourer l'ADN. Et d'un point de vue génétique, on s'est très vite aperçu qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité au sein des tumeurs, c'est-à-dire qu'il y a certaines mutations qui peuvent être présentes dans une sous-fraction des cellules, et pas forcément dans toutes, et ça peut avoir une influence très importante sur la réponse au traitement par exemple. Il est possible qu'un sous-type de cellule réponde au traitement ou non, et ce en fonction de leur hétérogénéité de départ. Et du coup, d'un point de vue épigénétique, on n'avait pas les moyens, il y a quelques années, en fait, d'avoir accès à cette complexité, à cette hétérogénéité dans les échantillons. Donc un premier travail pour nous, ça a été vraiment d'être capable de cartographier, cellule par cellule dans les tumeurs, la distribution de ces marques épigénétiques. Et donc c'est là où, en fait, on s'est associé avec des physiciens, des microfluidiciens, pour être plus précise, qui nous ont permis, ensemble, à trois groupes, on a pu mettre en place un protocole, une approche pour aller cartographier ces épigénomes en cellules individuelles. Donc là, c'est ce que je vous montre ici. En fait, c'est une approche en trois étapes qui se fait, donc c'est des gouttes qui sont produites de l'ordre de centaines de picolitres. Et donc, on enferme les cellules dans des gouttes où la chromatine va être préparée de manière assez traditionnelle. On enferme dans d'autres gouttes des billes de polymères qui vont amener des étiquettes qui vont être spécifiques à chaque cellule. Et on fusionne en fait ces gouttes en une par une. Et donc dans chaque goutte, il y avait de la chromatine propre à une cellule, va rencontrer une goutte où il y aura des étiquettes. Le fait d'encapsuler vraiment les cellules individuellement, ça permet d'isoler vraiment ces processus que vous décriviez tout à l'heure? Exactement. L'idée en fait, c'est d'aller enfermer dans une goutte tout ce qui est propre, toute la chromatine qui est propre à une et une seule cellule. Donc c'est-à-dire qu'on pourra à la fin, dans la quantité d'informations, attribuer les phénomènes à chacune des cellules dont ils proviennent à la fin. Donc c'est vraiment grâce à la position d'étiquettes moléculaires sur la chromatine qu'on va être capable, dans les données de séquençage finales, d'aller récupérer nos petits, entre guillemets, et d'aller comprendre de quelles cellules venaient les morceaux de chromatine. Ces cellules, on parle de cellules de modèles animaux, des cellules de synthèse? Alors, dans le cas présent, c'est à la fois des échantillons de patients, donc des cellules qui viennent de tumeurs ici de l'Institut Curie, et à la fois aussi des modèles animaux qui peuvent être par exemple des xénogreffes dérivés d'échantillons de patients, mais tout est vraiment orienté ici à l'Institut sur l'étude des échantillons de patients. Donc nous, par exemple, en termes de résistance, ce qu'on a pu faire, c'est par exemple d'étudier ce type de modèle de résistance, et en fait, on a à la fois regardé l'hétérogénéité dans une tumeur qui était sensible à l'hormonothérapie, par exemple dans le cancer du sein luminal, et à la fois, en parallèle, on a étudié l'hétérogénéité dans une tumeur qui était devenue résistante. Et grâce à ces approches en cellules individuelles, en fait, on s'est rendu compte que dans les tumeurs qui n'avaient jamais vu le traitement, il y avait une hétérogénéité, il y avait une population de cellules très rares qui avait déjà les caractéristiques, la carte d'identité épigénomique des cellules résistantes. Donc comme s'il y avait une prédisposition quelque part et qu'en regardant très précisément ce qu'on avait au départ, on aurait pu prédire ce qui allait se passer avec le traitement. Et donc c'est un peu la première fois qu'au niveau épigénomique, on s'est rendu compte de l'existence de cette hétérogénéité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici dans l'hôpital Curie, les patients ne doivent pas être très loin d'ici, donc c'est vraiment de la recherche translationnelle, c'est ça? Donc, donc là, on va visiter le couloir de la recherche translationnelle et puis je vais vous montrer, là on fait nos expériences en cellule unique, là où elles commencent. Donc ici, on est dans le département de la recherche translationnelle, dans le couloir. Donc ici, ce sont les médecins en fait qui ont directement les chirurgiens, qui ont leur bureau juste à côté des nôtres. Et dans ce couloir, ce sont plusieurs équipes de recherche qui travaillent à la fois sur le cancer du sein, mais aussi sur les cancers pédiatriques, qui sont aussi une des spécialités de l'Institut Curie. Et l'hôpital est... L'hôpital est là dans le couloir à droite. Les médecins sont là, l'hôpital est dans un bâtiment perpendiculaire et la recherche ici. Et donc ici, dans ce bâtiment, ce qui est très important aussi, c'est que se trouvent toutes les plateformes technologiques, et notamment les plateformes qu'on a pu monter à partir des technologies en cellule unique. Donc on a cofondé, enfin moi j'ai cofondé ici la plateforme d'analyse en cellules uniques qui est dans ce bâtiment et qui permet d'encapsuler justement les cellules et de les traiter pour arriver à des analyses avec une granularité vraiment très fine. Donc ici c'est le laboratoire. Donc dans votre équipe il y a à la fois des biologistes et des microfluidiciens? Alors exactement, donc nous dans mon équipe il y a surtout des biologistes et des bioinformaticiens. Et on a donc une personne spécialiste en microfluidique à la plateforme en single cell de l'Institut Curie qui travaille ici au 6e étage. Donc ici dans le laboratoire sont faits en fait tout ce qui est en aval en fait des analyses de microfluidique. C'est-à-dire qu'une fois que les cellules sont encapsulées dans des gouttes, on revient ici et on traite les gouttes et on fait toute la partie de biologie moléculaire et la préparation des banques de séquençage ici dans mon équipe. Il y a un enjeu de timing quand même. Ah ouais, il y a un enjeu de timing, c'est-à-dire que pour l'instant on fonctionne surtout sur des échantillons frais de patients, c'est-à-dire à la sortie du bloc opératoire, et donc clairement l'enjeu c'est de minimiser le temps entre la prise de cet échantillon et la production des données pour être au plus près. Parce qu'il faut savoir qu'on manipule quelques picogrammes en fait d'ARN ou d'ADN, donc on est vraiment dans des quantités unicellulaires, donc ça change un petit peu la manière dont on fonctionne, très strictement régulé d'un point de vue de ce qu'on peut faire sur chaque paillasse ou non. Et après, les équipements sont des équipements de biologie traditionnelle. Est-ce qu'à l'avenir, vous allez étendre vos recherches, enfin, les procédés que vous développez ici, les étendre à d'autres types de cancers ? Déjà, à travers des collaborations, il y a plusieurs laboratoires qui viennent nous voir pour discuter ensemble justement à quel point les technologies en cellules individuelles, en épigénomique, pourraient être pertinentes sur leur type tumoraux. Donc on a déjà initié des collaborations sur des cancers pédiatriques justement, où l'identité cellulaire et les mécanismes épigénétiques pourraient être particulièrement intéressants à interroger. Après, dans le futur, c'est vrai que nous, on est une équipe de 6-7 personnes, donc on est plutôt amené à se focaliser sur les cancers du sein triple négatif qu'on étudie actuellement. Et voilà donc le reportage du jour autour de cet épitraitement, épithérapie, je ne sais pas comment l'appeler, autour du sur le cancer du sein, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre l'une et l'autre sous la MedScan. Ce reportage, il montre en fait à quel point des verrous technologiques ont sauté, puisque ça, c'est des études qui sont faites sur des single cells, sur des cellules uniques, sur l'analyse de l'épigénome dans des cellules uniques. Donc c'est quand même très fin, et ça permet finalement de décrypter cette hétérogénéité qui pose tellement de problèmes pour les traitements. Donc le cancer, c'est vraiment un écosystème fait de plusieurs types cellulaires avec des génétiques différentes, des génomes différents et des épigénomes différents. Et comprendre cette hétérogénéité, c'est clairement une piste pour générer des biomarqueurs qui sont informatifs. Donc c'est un peu ce qu'ils font dans ce reportage, générer finalement une cartographie épigénomique des différentes cellules qui constituent la tumeur. Et une fois qu'on aura des marqueurs, des biomarqueurs informatifs, l'idée c'est de venir justement orienter les thérapies en fonction de la cartographie qui aura été faite. Donc là, on passe vraiment dans la médecine de précision qui est clairement l'avenir pour les traitements qui posent problème, notamment dans les phénomènes de résistance. Mm-hmm. Paola Arimondo. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord, effectivement, de ce qui vient d'être dit. Et je pense que ce qui est important, effectivement, c'est le concept de résistance qui est vraiment un grand souci pour le traitement du cancer. Et il faut voir que, par exemple, dans certains cas, la résistance est due au fait que les cellules, épigénétiquement, ils ont été modifiés. Donc, à nouveau, par exemple, méthylation, parce qu'on a parlé des méthylations de l'ADN. Mmh. L'interrupteur a été mis, le gène qui correspond à la cellule, à lui apprendre à mourir, parce qu'en face du médicament, elle va mourir, la cellule. En fait, il a été éteint. Donc, elle est plus capable de mourir. Et donc, les traitements épigénétiques, c'est qu'ils font, ils disent à la cellule, ils remettent l'information, ils remettent l'interrupteur allumé, de façon telle que la cellule peut à nouveau mourir, et elle va répondre à nouveau au médicament initial. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, c'est important ce que vous dites, Paola Arimondo, hein, il faut bien comprendre que ces épimédicaments, ils viennent en complément des traitements classiques en oncologie, c'est-à-dire en complément en général de la chimiothérapie qui a pour but ce que vous décrivez, c'est-à-dire l'apoptose, la destruction des cellules. Mais moi, j'ai une question tout de même qui me semble centrale. Un épimédicament, à partir du moment où il va viser du coup l'expression du patrimoine génétique à l'intérieur des cellules, comment peut-il être spécifique et ne pas finalement modifier l'intégralité de l'expression épigénétique de toutes les cellules, de tout le corps humain finalement ? Paola Arimondo. Parce que, alors, pour plusieurs raisons. On vient de dire que les cancers, en fait, pendant la formation du cancer et même les maintiens ou l'évolution vers des cancers plus agressifs, il y a des épigénomes qui changent, qui sont évolutifs. Donc, par exemple, à un certain moment, il y a des enzymes qui sont surexprimées, qui vont mettre plus de méthylation de l'ADN. Comme par exemple, dans certains cancers, on trouve une surexpression, une mutation de l'ADN T3, qui c'est l'enzyme qui met les méthyles. Mm-hmm. On peut voir des mutations des SDH2 qui met des méthylations de ces histones. Et dans ces cas-là, les cancers deviennent dépendants de cette modification épigénétique, et donc les médicaments sera efficace. Dans le premier cas, on utilise par exemple un analogue de la cytosine méthylée, qui s'appelle l'azacitidine ou la décitabine. C'est les deux médicaments. Et dans l'autre cas, il y a un médicament qui vient de sortir, qui a été approuvé l'année dernière, en 2020, pour traiter des formes de cancer qui sont dépendantes de cette protéine, de cette méthylation aberrante d'une histone. Ça, c'est un des mécanismes pour expliquer. La spécificité vient du fait que du cancer vient dépendant de cette modification épigénétique. Bien sûr. Sous la Medscan, même question. Effectivement, il y a vraiment cette question-là de la toxicité, des effets secondaires dus justement à un effet global, à des effets globaux des épithérapies. Alors, il y a effectivement des épithérapies qui ont des effets globaux. C'est celles qui ont été approuvées depuis une quinzaine d'années, donc les inhibiteurs des ADN méthyltransférases et les inhibiteurs des HDAC, donc des histones déacétylases, qui elles, ça va cibler plusieurs enzymes en même temps et ça va avoir un effet global sur l'ensemble de l'épigénome des cellules saines, mais également des cellules cancéreuses. Et donc on parle de quoi comme effet secondaire, par exemple, quand ça touche l'ensemble des cellules cancéreuses et non cancéreuses? Ça induit de la mort cellulaire en fait. C'est ça. Et donc ça génère des une toxicité qui est pas bénéfique en tout cas pour le patient, qui est trop compliquée. Donc pour ça il y a plusieurs choses qui sont développées. Donc il y a vraiment eu cette prise de conscience qu'il fallait soit diminuer les doses et donc le combiner à des chimiothérapies ou radiothérapies. Et puis il y a aussi le fait que maintenant on est en train de développer des épithérapies de deuxième et troisième génération, où on va un peu plus, enfin on va cibler des enzymes bien particulières, non pas des familles d'enzymes, mais clairement des enzymes particulières. Et notamment, il y a des cancers où on sait qu'il y a des facteurs épigénétiques qui sont mutés et qui sont moteurs dans la formation du cancer. Je pense notamment à EZH2. C'est-à-dire EZH2, c'est une enzyme justement qui vient méthyler les histones. Dans un certain type de cancer, on va avoir une activation de cette enzyme. Donc quel type de cancer, par exemple ? Alors, cancer du sein et des tumeurs solides. Cancer du sang, pardon. Du sang, d'accord. Ouais. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, enfin, il y a eu des développements d'inhibiteurs spécifiques de EZH2. Et lorsqu'on sait que le patient possède cette mutation, c'est pour ça que la médecine de précision, elle est importante dans ce cas de figure-là, parce qu'on sait que si on l'administre à un patient qui présente cette mutation, on va avoir un effet qui est extrêmement bénéfique de l'épithérapie. Mais si on l'administre de manière aveugle, là, on va avoir certains patients qui répondent et d'autres qui répondront pas, avec des effets secondaires possibles si c'est pas une épithérapie qui est ciblée. Donc, on se dirige de plus en plus vers des molécules qui sont de plus en plus sélectives et de plus en plus spécifiques pour éviter justement ces effets de toxicité d'effets secondaires trop importants. Alors justement, la question qui est importante aujourd'hui, c'est ces épithérapies. À quel moment peut-on y avoir recours? Pour quel type de cancer? Pour quel type de patient? Est-ce que ce sont pour des patients en échappement thérapeutique? Est-ce que je sais qu'il y a quelques épimédicaments qui ont obtenu aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché, mais quand les utiliser? Dans quel cas? Dans quelles circonstances? Paola Arimondo. Donc il y en a 9 qui ont été approuvés, 8 pour les cancers et 1 pour les maladies neurodégénératives. Je voudrais juste préciser, en fait c'est pas tout à fait exact. Les deux médicaments, par exemple l'azacitidine, les analogues des cytosines, qui ont été approuvés. En fait, c'est une histoire assez intéressante parce qu'au départ, ils étaient juste des agents antimétaboliques comme les agents cytotoxiques classiques, des agents anticancéreux, et utilisés à grosse dose. Ce qui a fait la grosse différence dans 1979-1980, c'est la découverte qu'en utilisant en petite dose, on agissait sur l'épigénome et pas du tout comme agent cytotoxique. Quand on utilise des épimédicaments, en fait, on veut reprogrammer les cellules et on veut pas du tout les tuer. Donc ça, c'est vraiment les concepts qui font la différence. Et par exemple, ceux de là sont donnés à des patients qui ont des maladies comme les syndromes myélodysplasiques. C'est des patients âgés qui ont plus de 75 ans et qui ont des autres fragilités. Et justement, parce qu'ils ont moins d'effets secondaires, on peut les donner. Et ces patients, il y en a des patients depuis maintenant 25 ans qui sont sous ces médicaments sans effets secondaires. C'est qui est assez extraordinaire. Il n'y a même pas des résistances qui apparaissent. À un certain moment, il ne répond plus et effectivement, il n'y a plus d'effet. Et en fait, c'est quand on les utilise, ça, ce n'est pas simple. Donc, effectivement, quand on identifie une mutation, comme a dit ma collègue dans les cas des ZH2, je vous disais, le médicament vient d'être prouvé l'année dernière, en 2020, pour des lymphomes et un sarcome épithélial. qui ont des caractéristiques là un peu particulières. Dans certains cas, effectivement, on recourt à cela quand juste il n'y a plus d'autres solutions médicamenteuses, mais pas tout le temps. Oui, quand on est pour de l'échappement thérapeutique, un mot sur cette question et pour conclure, Souda Mechkan, aujourd'hui, qui peut avoir accès à ces médicaments? Quel est également leur taux d'efficacité sur certains cancers précis et ciblés? Alors sur les cancers ciblés, elles sont relativement bonnes. Enfin, en tout cas, les essais montrent des résultats. Alors c'est pas 100%, on est très loin du 100%. Elles sont souvent combinées. Il y en a certaines qui sont utilisées en monothérapie, mais c'est globalement assez rare. C'est souvent combiné avec soit de la chimiothérapie, soit des immunothérapies. Ça, c'est des essais thérapeutiques. Enfin, des essais cliniques en phase 2 et 3 qui sont très prometteurs, puisqu'on voit que, en fait, les épithérapies, certaines épithérapies vont potentialiser l'effet des immunothérapies, pour lesquelles on sait qu'il y a déjà eu des avancées récemment assez majeures. Et ça, c'est vraiment une piste d'investigation qui est promue parce qu'elle est très très prometteuse. Peut-être là-dessus aujourd'hui, Paola Raimondo, quelles sont les recherches en cours? On vous l'avait dit, 9 épimédicaments, ça veut dire qu'il y a d'autres épithérapies qui sont en cours de recherche, qui peuvent donner des résultats prometteurs. Pour quel type de cancer précisément? Alors, plusieurs types de cancers, surtout aujourd'hui, toutes celles qui sont approuvées, à part les derniers que je vous parlais des HDH2, les autres sont tous pour des cancers du sang. Parce qu'en fait, ils sont... Pour des cancers du sang, hein? Oui, du sang. Mmh. Donc, de lymphome. Donc, il y a beaucoup d'études aujourd'hui dans les cancers solides, des tumeurs solides. Et comme disait ma collègue, il y a beaucoup d'explorations pour essayer de resensibiliser les cellules tumorales, soit parce qu'elles sont devenues résistantes, soit parce qu'elles ne répondent pas bien à l'immunothérapie, et pour essayer de le reprogrammer pour qu'ils répondent à ces traitements. L'autre chose importante, peut-être, c'est qu'il y a trois familles d'acteurs épigénétiques qui sont ciblés par les médicaments. Donc, on a parlé de ceux qui mettent les modifications épigénétiques, comme les méthyltransférases. Il y a ceux qui enlèvent les modifications épigénétiques, comme les déacétylases. Et là, il y en a 6 HDAC qui sont approuvés. C'est des inhibiteurs des acétylases, des histones. Mais il y a aussi des protéines qui reconnaissent, en fait, qu'il y a ces groupements, par exemple les méthyls, l'acétyl, et qui transmettent les signaux. Et par exemple, décident de ne plus élire un gène. Et ceux-là aussi, aujourd'hui, sont en essai clinique. On n'en a pas encore des médicaments approuvés, mais c'est très intéressant aussi de pouvoir cibler ces protéines qui ne sont pas des enzymes et qu'aujourd'hui, on sait cibler. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler d'épigénétique et d'épimédicaments. C'est, on est évidemment sur de la recherche fondamentale en biologie assez captivante qu'on continuera à suivre de très près. Merci Paola Raimondo, merci Souda Mechkan d'être venue nous parler de ces épimédicaments. Un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui, comme chaque mercredi, le jour de retrouver les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast, avec cette question aujourd'hui. Pourquoi les partisans de Donald Trump croient-ils à une fraude électorale concrètement? Eh bien, les raisons démographiques, sociologiques et politiques de croire que cette élection a continué a été truquée alors que tous les indices laissent penser qu'elle ne l'a pas été. Et puis, une fois de plus, pour les auditrices et les auditeurs qui vivent à Paris ou en région parisienne, si vous le souhaitez, tout à l'heure, d'ici une heure et demie, je serai en train de parler de mon livre L'Espace, publié chez EPA, coécrit avec Mathieu Lefrançois dans une librairie parisienne dans le 20e arrondissement, la librairie Équipage. On va vous mettre tout ça sur le fil Twitter @laméthodefc. Venez tôt si vous voulez parce que je pense que il va pas y avoir beaucoup de place compte tenu des conditions sanitaires que nous respecterons bien évidemment scrupuleusement, et à tout à l'heure si vous avez l'occasion de vous déplacer. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Alexandre Morales, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Laurie Vachon à la technique. Demain, inspirer, expirer, on revoit tout le système d'échange gazeux de notre corps. On s'intéresse de très près à la respiration, de l'entrée de l'oxygène jusqu'à la sortie du dioxyde de carbone. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.